amambrasé avant de t'en aller ce soir. Viens m'embrasser, on ne va plus se voir, mais on n'est pas fâché. Viens m'embrasser, viens m'embrasser. Dis-toi qu'entre nous deux, ça ne va rien changer. Ta décision est prise et tu vas me quitter. Viens m'embrasser. Toi qui t'en vas, oublie que je suis triste, oublie et souris-moi. Fais-moi revivre encore un peu de ce temps-là où tu venais te jeter dans mes bras. Toi qui t'en vas, essaie de me vanter encore un peu de toi. Essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi. Viens m'embrasser pour la dernière fois. Viens m'embrasser, c'est toi qui vas partir, alors pourquoi pleurer? C'est pas la fin du monde, on n'est pas les premiers à se quitter. Viens m'embrasser, et ne me parle plus du mal que tu me fais. Avec le temps, tu sais, tout devrait s'arranger. Viens m'embrasser. Toi qui t'en vas, oublie que je suis triste, oublie et souris-moi. Fais-moi revivre encore un peu de ce temps-là où tu venais te jeter dans mes bras. Toi qui t'en vas, essaie de me vanter encore un peu de toi. Essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi. Viens m'embrasser pour la dernière.